cache toi derrière tes joues. Rouge comme ta bêtise, on fait de telle sorte d'être belle, tout simplement fou. C'est un piège. Oh, c'est un piège.